L'Intermarché Florent Lachance de Saint-Prime a tout ce qu'il vous faut pour profiter de l'été au maximum. Un département des viandes de qualité supérieure, supervisé par des maîtres bouchers à l'écoute de vos moindres exigences. Des fruits et légumes gorgés de saveurs à des prix compétitifs et un comptoir de mets cuisinés qui charme les palais les plus fins. L'Intermarché Florent Lachance, agent autorisé SAQ, est fier de commanditer la chronique du club de golf Saint-Prime sur le lac Saint-Jean et souhaite une bonne saison à tous. Golf avec notre ami Gilles Larouche cette semaine, qui est là en remplacement d'Arémy Curtness, qui est le directeur général du club de golf de Saint-Prime. Bon matin, M. Larouche. Bon matin. M. Larouche, si on parlait d'abord avant tout de votre, c'est votre première année. Comment vous trouvez ça, votre expérience de directeur gérant du club de golf de Saint-Prime? Ben, ce que je peux vous dire, à prime abord, moi, je suis un membre du club depuis 1960. Okay. C'était pas dans mes plans de carrière parce que j'ai fait autre chose dans ma vie. Et par contre, il y avait un défi à relever cette année avec tout le côté développement golf, la reconfiguration de notre terrain. Et moi, je suis un passionné de golf, alors j'ai décidé d'embarquer avec notre conseil d'administration qui est très dynamique. Et pour les perspectives de développement, puis augmenter, entre autres, là, tout l'aspect du monde. OK. Puis comment ça va? Vous trouvez ça quand même intéressant jusqu'à maintenant? Ben, je trouve ça très intéressant parce que c'est, ben, pour moi, c'est des gens que je connais depuis longtemps. OK. Et ce qui est encore plus stimulant, c'est que cette année, on a mis l'emphase pour, c'est sûr qu'il faut développer la relève. Et pour le développement de relève, on a côtoyé des jeunes membres. On les a recrutés à travers différentes promotions. Actuellement, on est à 20 nouveaux membres et mes indicateurs me disent qu'on devrait être en mesure d'atteindre les 30 membres. C'est très bon. Et par ailleurs, j'aimerais peut-être rajouter un petit point par rapport à nos juniors. On commence très bientôt avec le domaine du roi en forme, les activités de juniors, et on a 60 jeunes prévus pour cette année. Alors pour nous, c'est un record. Et ça annonce de belles. OK, donc c'est vraiment fort agréable. Si on parlait maintenant de ce qui s'en vient cette semaine au club de golf de Saint-Prime, il y a encore pas mal d'activités. Ben là, c'est commencé, pas mal, là? Oui, c'est commencé. On a eu le tournoi d'ouverture il y a environ une dizaine de jours, par son record. Je pense que M. Curtness va nous glisser un jour. Et pour ce qui est de cette semaine, on a les Jeux autochtones interbandes qui sont ici à compter du jeu. Alors, on parle de plus de 100 joueurs. Pour vendredi, on a 144 joueurs et 200 amis pour souper au niveau du C3S, au niveau de l'hôpital. Alors, c'est un tournoi majeur pour nous, très intéressant. Et on a une autre avec l'Étoile du Lac, là. Je pourrais vous dire que c'est samedi en après-midi. Donc, on a une semaine qui est assez bien remplie. OK. Donc, évidemment, le Miam Senior aujourd'hui, j'imagine qu'il y a des gens de Saint-Prime qui participent également à l'Omnium? De mémoire, je crois que c'est 12 joueurs qui sont partis aujourd'hui au niveau des seniors HQ. OK. Donc, si on parlait maintenant de. Il y a eu une belle performance, je pense, en fin de semaine? Ben oui, notre directeur golf, M. Jonathan Lambert, qui a joué un 70. Okay. Mais ce qui est plus remarquable, c'est que c'était dans des conditions de samedi après-midi qui étaient exécrables, il pleuvait. Alors, M. Lambert, malgré la température, disons que son talent a refait surface. Ben oui, effectivement. Donc, on se reparle mardi prochain pour la chronique du club de golf de Saint-Prime. Merci. Voilà, c'était le directeur général du club de golf de Saint-Prime, Gilles Larouche.